dia ponde de Milan. Bien blamba bon bébé ma bolé ponde mounyenge. Mounyenge mwa loke mwena mwe ponso de mousango yo. Mousango mwoyi e ponda itaba nan yo teme. Thank you. ne faut pas l'oublier. Esmaïl est à 12 centimes pour le pain quotidien. Les temps sont devenus Jidja, il faut pas l'oublier. Esmaïl est à 12 centimes pour le pain quotidien. La Boutique Hero, Del Macho. La Boutique Hero, Del Macho. La Boutique Hero, Del Macho. La Boutique Hero, Del Macho. Les temps sont devenus Jidja, il faut pas l'oublier. Les slides mettent à 12 centimes pour le pain quotidien. Les temps sont devenus Jidja, il faut pas l'oublier. Les slides mettent à 12 centimes.